Chapitre 13. Les obsèques. Le samedi, tout Valsemey était descendu à Pont-l'Évêque. Le service de Madame Desnoux allait être fait à l'église de la ville, et de là on devait porter la défunte à Valsemey, où elle avait un caveau. L'église était pleine de monde. On parlait de l'affaire, bien entendu, sans suivre l'office. Quand on monta la côte, à pied, l'abbé Cardine, qui était, lui, en voiture, devant le corbillard, descendit pour se dégourdir un peu les jambes. Il marcha sur le talus à l'ombre des coudriers. Tous ceux qui suivaient passèrent insensiblement sur le côté de la route, car vraiment le soleil était trop cuisant. Et le moment arriva où le cabriolet du curé et le corbillard montaient seuls sur le ruban de poussière. Le cocher s'épongeait le front. De temps en temps, un paysan attrapait une noisette avec la main au passage. La foule s'allongeait en longue file sur l'herbe, et les femmes derrière marchaient péniblement. « Monsieur le curé, dit Pigeon, le clerc vous a raconté ce qu'il a fait ? Il lui vend son étude. »« Oui, je sais, Millet, vous l'a dit, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, je l'ai appris en lui remettant le pantalon. »« C'est un peu pressé, vous ne trouvez pas ce départ ?»« Non, il a fait pour le mieux, dit la Bécardine. Il ne pouvait pas rester à Valsemey. » »« Oh, pour ça, non, on l'aurait mis à l'écart. Un assassin, il a tué sa femme. » Mignet, Pigeon, Varin, Le Meignot étaient groupés autour du curé. Je ne l'avais pas dit, hein, voyez sans relis. Sans religion, pas d'honnêteté, mon cher Mignet, reprit le curé. C'est votre mot. Desnoux en avait, lui, de la religion. Lui, un hypocrite. Et qui a répondu la messe jeudi matin? Il avait une maîtresse. Oui, mais elle le trompait. Tiens, à propos, le petit Laplace. C'est de sa faute si on a découvert ça. C'est de sa faute si Madame Desnoux est morte. Parce que, comme je le dis, tout se tient. Mais il n'est pas là, n'est-ce pas ? Non, dit le curé. Il est venu hier soir me trouver à Pont-l'Évêque. Il a tellement été impressionné de la mort de Madame Desnoux qu'il m'a demandé de le faire entrer au séminaire. Après ce qu'il a fait ? Dieu le lui a pardonné, objecta Varin. Tout juste, dit l'abbé Cardine, que la gravité de Varin faisait toujours sourire. Et Varin, voyant le bon effet de sa sentence, crut pouvoir ajouter : comme il pardonnera à Desnoux. « Ah non !» s'écrièrent Pigeon et Le Meignot. « Une canaille !» ajouta Mignet. Et comme ils élevaient la voix, le curé dit : « Vous souvenez-vous de son bon dîner ?